La journée je charbonne, la nuit je suis de sortie. On me connaît comme ça. Et tous les jours une nouvelle femme est dans mon lit. L'amour m'intéresse pas. Je l'ai vu arriver, là j'ai su tout de suite que ce serait pas comme d'hab. Le temps s'est figé à peine entré dans la suite. Avant qu'elle se dessape, je rajoute une centaine d'euros pour qu'elle dise que je suis l'homme de sa vie. Encore une centaine d'euros pour qu'elle me monte avec le sourire. Le jour se lève, elle veut s'habiller. Il me reste encore quelques billets. Tu peux rester pour me piller. Oh, je veux pas te laisser partir. Je veux pas te laisser partir. Moi qui pensais que tu faisais cher la nuit, je me suis trompé sur toi. Dis-moi ça ferait combien pour toute une vie. Je donnerai tout en une fois. Et la souplesse que tu as montré toute la nuit, j'avais jamais vu ça. Moi tombé amoureux de ce genre de fille, et j'aurais jamais cru ça. Je rajoute un millier d'euros pour que tu deviennes l'amour de ma vie. Encore un millier d'euros pour que les autres hommes tu les oublies. La journée passe, la nuit retombe. Je n'ai toujours pas ta réponse. Et j'ai assez d'argent pour te garder. Je veux pas te laisser partir. Je veux pas te laisser partir. La buée est sur les fenêtres de la chambre. Dis-moi combien de temps je dois attendre. Elle a réduit tous mes espoirs en cendres quand elle a dit mon cœur n'est pas à vendre. La buée est sur les fenêtres de la chambre, oh. Dis-moi combien de temps je dois t'attendre, oh. Elle a réduit tous mes espoirs en cendres, et son cœur n'était pas à vendre.